avec vous, c'est peut-être un peu trop fort, mais ça va. Comme vous le savez, l'objectif de la séance de ce soir, c'est essentiellement de répondre aux questions que vous pouvez avoir pour préparer les examens, donc le mois prochain. C'est ce mois-ci. C'est le 31. C'est où, c'est en juin? C'est lequel en juin? Alors, c'est le 8 juin. En juin. C'est en juin numérique en mai. Donc, on est bien dans le cours de méthode. Donc, l'examen aura lieu bientôt. Et donc, l'objectif de ce soir, c'est de faire le point sur les éléments qui vous semblent peut-être moins clairs ou sur lesquels vous aimeriez avoir des approfondissements. Et c'est également de baliser un petit peu plus la façon dont vous devez réviser. Comme il était annoncé en fait dans le concours qui est en ligne dans Buvet, c'est pas l'examen, c'est pas la forme d'un examen de connaissances, questions-réponses, il faut avoir appris par cœur des citations d'auteurs, etc. C'est un examen qui va porter sur des questions d'analyse et d'interprétation de cas de recherche. C'est-à-dire, en gros, par exemple, on peut vous demander, on vous soumet une problématique qui est rédigée avec une question de recherche à la fin, et on vous dit, d'après vous, cette problématique et cette question de recherche-là, quelle méthode de recherche serait pertinente pour répondre à la question et pourquoi? Donc, et on ne vous demande pas d'inventer des méthodes, c'est par rapport aux méthodes que vous avez vues en cours, bien sûr. Donc, parmi celles qu'on a vues, l'entretien de recherche, l'analyse de contenu, l'analyse de discours, etc., qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à une problématique et une question de recherche X? Donc, bien sûr, on vous demande de piocher en fait dans ce que vous avez vu au fil du quadrimestre et de justifier pourquoi ça vous semble être le plus pertinent. Parce que, par exemple, la question, elle est plutôt d'ordre quantitatif. Donc, elle implique des hypothèses, on veut mesurer. Donc, on va prendre un questionnaire ou une analyse de contenu. Ou alors, c'est plutôt qualitatif, on veut comprendre, etc., etc. Donc, c'est vraiment de mobiliser les différents éléments qu'on a vus au fil du cours pour répondre à des questions qui portent sur des cas concrets de recherche. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est plus... donc, une fois encore, ce n'est pas l'idée d'apprendre par cœur des citations et d'aller voir dans les textes tous les auteurs et les avis, etc., mais plutôt de retenir, en fait, les grandes lignes sur les différentes méthodes de recherche qui existent et également les grands paradigmes de recherche, c'est-à-dire le quantitatif, le qualitatif. Donc, ce que l'on veut, le cas où l'on veut plutôt prouver quelque chose, mesurer, ce que l'on veut plutôt comprendre, explorer une situation, un phénomène. Donc, ça, c'est un peu le cadre d'examen dans lequel vous devez vous mettre. Maintenant, donc, on vous avait invité à préparer des questions sur donc, des points qui vous semblaient plus confus, sur lesquels vous auriez aimé qu'on revienne. La parole est à vous et moi je suis là pour vous donner des précisions et essayer de lever les ambiguïtés qui peuvent exister. Entre analyse de contenu et analyse de discours. Ok. Donc, si de façon, si on schématise en fait, pour essayer de voir les différences fondamentales, quand on est dans l'analyse de discours, on est plutôt dans une analyse qui s'interroge, enfin qui est du côté de la linguistique. Donc, on s'interroge sur la forme du langage. On va chercher en fait à dégager des règles de fonctionnement de la langue. Et on est dans une démarche qui est plutôt qualitative. On veut décrire, on veut comprendre comment, par exemple, un type de texte particulier, par exemple le discours politique, fonctionne. Ou comment des textes tels que des critiques de théâtre, par exemple, ont leurs propres règles d'écriture. Donc, analyse de discours, on est plutôt dans le qualitatif. Et on est plutôt du côté donc, de décrire le fonctionnement de la langue et essayer d'en comprendre les règles. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel mécanisme semble revenir et quel mécanisme semble spécifique ou différent ou ressorte. Il y a, je l'avais mentionné dans ce cours-là, plusieurs types d'analyse de discours. On trouve par exemple l'analyse du discours argumentatif. Donc là, ce qu'on va regarder comme fonctionnement de la langue, c'est de voir comment un argument est construit, quelles sont les justifications qui servent à appuyer l'argumentation, par exemple. Et on va étudier les différences et les similitudes entre des textes argumentatifs, par exemple entre des éditoriaux. On peut avoir des analyses de discours qui vont davantage porter sur la sémantique, c'est-à-dire sur le sens vraiment des termes utilisés et pourquoi, par exemple, on va utiliser à certains moments le terme migrant et à d'autres le terme réfugié. Donc, et une fois encore, ici, dans l'analyse de discours, on est dans une démarche qui est de compréhension et d'essayer de voir des règles de langage. Si je reprends l'exemple de s'attacher à la différence entre migrant et réfugié pour étudier des textes, on pourrait prendre cet exemple-là et faire une analyse de contenu. Et là, l'objectif ne serait pas le même. L'analyse de contenu, c'est une analyse qui est plutôt d'ordre quantitatif. On va chercher à calculer, par exemple, le nombre de fois que le mot migrant est apparu dans les textes plutôt que le mot réfugié. Et donc, par exemple, on va comparer tel journal, on va comparer Le Soir, La Libre et la DH pour voir lequel des trois a le plus parlé de l'immigration en termes de réfugiés ou en termes de migrants. Donc ici, on fait une comparaison qui est quantitative. Et donc, on va certainement formuler des hypothèses qui sera que, ben, parce que on pense que Le Soir a plutôt, une ligne éditoriale sociale, etc., et que la DH est plutôt dans une ligne éditoriale du spectaculaire, ben on s'attend à ce qu'il y ait tel mot plutôt que tel autre qui a été choisi. Et on va aller mesurer dans quelle mesure on a raison ou pas avec notre hypothèse. Donc, la distinction de base à faire entre analyse de contenu et analyse de discours, c'est en fait on travaille sur la même chose, souvent sur des textes ou des conversations, on peut travailler aussi sur des verbatims, donc sur des transcriptions d'entretien. Mais dans un cas avec le discours, donc on est dans le qualitatif et dans le fonctionnement de la langue, dans le deuxième cas, dans l'analyse de contenu, on est dans du quantitatif et on cherche à voir des tendances et à faire des comparaisons chiffrées. Dans penser à, dans les objectifs pédagogiques en fait du cours, il y a aussi la démarche de recherche qui est qu'on part d'une problématique, à la fin d'une problématique il y a une question de recherche, on construit des hypothèses ou des intuitions selon que l'on est dans du quantitatif ou du qualitatif, ensuite on a la méthodologie, etc. Donc il y a plusieurs étapes de recherche qu'il faut un peu connaître. On ne fait pas une méthodologie avant de savoir quelles questions de recherche on veut poser. Autre question sur des méthodes, théories, oui. Les deux ne s'excluent pas chiant si le quantitatif était le règne, enfin était vu comme la méthode la plus valide et la plus scientifique, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas et on peut faire cohabiter les deux. D'accord ? Donc là, si vous faites cohabiter les deux, à ce moment-là vous êtes dans une stratégie mixte, parce que, et là encore, c'est important de revenir à la démarche de recherche, votre méthodologie, vous allez la choisir en fonction de la question de recherche que vous posez. Donc c'est la question que vous vous posez qui fait en sorte que vous allez dans le quanti ou dans le quali, ou que vous allez articuler les deux. C'est la question de recherche et c'est aussi les critères de faisabilité qui font que vous disposez de tant de temps, ou de tant de ressources financières, ou d'un réseau, etc., qui fait en sorte que ben, ça aurait été très intéressant de faire deux, trois étapes, mais vous allez privilégier telle méthode plutôt que telle. Et tout ça, ça se dit et ça s'explique dans la méthodologie aussi de recherche de vos travaux. Parce que ça dépend de la. Parce qu'il y a des questions de recherche qui privilégient et qui appellent essentiellement du quantitatif, du qualitatif. Et que si on avait le temps, qu'on avait des équipes de recherche avec des budgets limités, on ferait très certainement toujours du mixte après, mais dans les faits, il n'y a pas de budget nécessairement qui vient pour ça, il n'y a pas d'équipe non plus. Parce que ça veut dire manier beaucoup de données. Et ça veut dire aussi que, outre mener la recherche sur le terrain, donc récolter ces données, après ça, il faut les analyser, après ça, il faut rédiger l'analyse, et après ça, il faut publier aussi derrière. Donc il y a toujours un temps entre le moment où on fait sa recherche sur le terrain et le moment où on publie aussi. Oui. En fait, je ne sais pas dans quel cours. Parce que je viens de sortir de dessus. C'est plus sur les traitements de données statistiques. Ok, donc là, c'est vous parler du cours de M. Mesra. Ok, donc comme c'était annoncé dans l'UV, ce cours-là, il n'est pas matière à examen. Donc on va remettre un message sur l'UV pour dire que ce n'est vraiment pas. Cette séance-là, elle vient compléter en fait la séance que vous aviez eue sur le questionnaire, qui est que généralement, quand on va faire circuler un questionnaire, on l'administre, comme on le dit en vocabulaire traditionnel, ensuite, quand les données s'accumulent, on va en faire un traitement statistique, parce qu'on va avoir énormément de données et que donc, la manière de procéder, c'est de faire un traitement statistique. Tout, en fait, cette séance-là qui visait à vous donner un vocabulaire de base et des références que vous pouvez aller consulter si vous avez à utiliser des statistiques dans votre mémoire. D'accord ? Donc ça répond globalement à l'ensemble des questions. Si vous voulez. Mesurer des choses. si on va maintenant du côté du constructivisme. Le constructivisme, en fait, c'est une vision de la réalité, et de la réalité sociale en particulier, dans laquelle, en fait, ce qui nous entoure, notre environnement, est le fruit de constructions sociales. Donc, en fait, en gros, si on veut caricaturer, tout n'est que représentation. Donc, c'est deux visions qui, scientifiquement, en sciences sociales notamment, s'opposent. Mais là encore, on peut faire un rapprochement entre l'analyse de contenu et le constructivisme, parce que dans l'analyse de contenu, on va chercher aussi à mesurer des opinions, des croyances, des attitudes ou des comportements. Si vous vous rappelez l'exemple qu'avait donné Marc Van Ausbeek dans le cours, je pense qu'il parlait d'une analyse de contenu des publicités, qui visait à vérifier l'hypothèse que dans les publicités, il n'y a jamais de personnes rousses. Et donc, il y avait toute une sorte de... la variable, c'était la couleur de cheveux. On allait regarder dans telle publicité, il y a deux personnes brunes, trois blondes, etc. Mais il n'y a jamais de rousses. Au contraire, il y a beaucoup de rousses, et donc c'est pas vrai qu'il n'y en a jamais. Donc on mesure cette variable-là. Et donc les catégories, si vous rappelez la différence, la variable c'est la couleur de cheveux, les catégories c'est les différentes couleurs possibles. Blond, roux, brun, autre, s'il y a un mélange de couleurs aussi qu'on doit anticiper. Et donc, comme on mesure, on est dans du positivisme avec cette hypothèse de départ, qui est qu'il y a une réalité qui pense que moi je pense que les roux sont stigmatisés et que du coup on ne les voit jamais. Et donc je mesure ça et je me rends compte que c'est vrai ou c'est pas vrai, etc. Mais on est aussi dans une réflexion qui est liée au constructivisme, parce qu'on va vérifier ici par exemple une attitude publicitaire qui est de représenter une partie de la population plutôt que d'autres. Donc on part du principe que la publicité c'est une représentation du monde. Que ce n'est pas forcément la réalité, mais que c'est une trace, en fait, une trace du monde, de la représentation du monde qu'ont les publicitaires, qui pensent que le public n'est pas prêt à avoir des routes dans les publicités, donc ils les cachent. Donc au contraire, cette année, ils pensent que c'est super tendance, donc tout le monde est roux. Donc dans l'analyse de contenu, qui, je vous rappelle, est une méthode de recherche beaucoup plus récente que le questionnaire, que l'entretien de recherche, par exemple. Il y a donc une articulation entre ce paradigme positiviste, hypothétique-prédictif qui mesure, et ce paradigme constructiviste où on s'interroge sur des préjugés, des stéréotypes, des attitudes en tant que représentation du monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets? Oui. Oui, je n'avais pas très bien compris non plus avec le lien avec le lecteur ou Fabula par rapport à. Oui, alors ça c'est aussi l'exemple de Marc, et je vais passer le diapo sous les yeux, puisque la connexion ne marche pas. Il y avait deux types de lecteurs, il y avait le lecteur ou Fabula et. Ok. Alors ça, malheureusement là-dessus, je ne peux pas vous répondre, c'est un exemple de recherche concrète qui a été menée et qui concerne le champ d'expertise de Marc, donc qui n'est pas le mien. Mais c'est un exemple de recherche. Autrement dit, ce n'est pas un modèle de recherche, c'est un cas concret de recherche dans lequel on visait à étudier différents types de lecteurs, qui en gros portent sur la façon dont on peut détecter à l'intérieur d'un texte comment un journaliste ou un auteur se représente son lecteur. D'accord ? Mais c'est un exemple en fait concret que vous avez donné. Oui. La triangulation, vous voulez dire quoi exactement ? Alors, la triangulation, c'est dans les stratégies mixtes. Le nom est un peu trompeur, parce que quand on entend triangulation, subvention, on dit qu'il faut faire trois étapes, trois vérifications différentes. En fait, il peut y en avoir deux, trois, quatre ou cinq. Trianguler, quand on fait de la triangulation de recherche, en fait, on étudie donc différents aspects d'une même question. Et ces différents aspects-là nous amènent à avoir un portrait global et à avoir une réponse globale à notre question. Ce qui fait que, par exemple, si on s'interroge sur, je vais prendre un exemple de Com Corporate, mais si on s'interroge sur la stratégie de communication d'une entreprise, l'entreprise XY, on va analyser, par exemple, les médias sociaux d'entreprise. On va aller interroger les personnes qui travaillent au secteur communication. On va voir, pour voir comment elles ont l'impression de communiquer, quels sont leurs objectifs. Et on va par exemple aller interroger des partenaires ou certains clients pour voir comment ils perçoivent, comment ils reçoivent les stratégies. Donc là on fait de la triangulation, c'est-à-dire qu'on essaie de dresser un portrait global en fait de la stratégie de communication selon différents points de vue. Donc, soit ça veut dire, quand on triangule, qu'on va utiliser différents matériaux de recherche. Par exemple, on va analyser des vidéos, on va analyser une performance, et on va analyser le public dans la salle. Et soit on va voir différents types d'acteurs. On va analyser les personnes qui font le spectacle, on va analyser le public, on va analyser le discours, on va aller voir les producteurs, par exemple. Donc l'objectif ici, on est dans du mixte parce que souvent on va faire des entretiens d'un côté, on va faire des questionnaires, de l'analyse de contenu, de l'analyse du discours de l'autre, mais c'est vraiment cette idée de différents points de vue sur une même question. Est-ce qu'il y a d'autres points auxquels vous pensez ou sur lesquels vous aimeriez avoir peut-être un petit peu plus de... d'exemples ? Non, mais notre plan de préparation à l'examen. Pour l'instant, on se concentre sur le sujet. Oui. Ça, je ne peux pas vous répondre de façon précise. Il n'y a pas 15 questions. C'est plutôt, comme c'est de l'analyse de cas, c'est plutôt 3 à 4 questions, c'est-à-dire 3 à 4 cas à analyser, que 15 petites questions à valider. D'accord ? C'est plutôt un examen de réflexion. Mais réflexion dans lequel vous devez donc utiliser des notions qu'on a vues en cours. Juste vous montrer que vous êtes capable de dire ben voilà, là, je repère qu'il y a du qualitatif, là, je repère que. Alors, il n'y a pas vraiment qu'une seule bonne réponse. Enfin, ça dépend aussi. Ça dépend de la façon dont vous justifiez. Effectivement, vous pouvez dire, pour une question de recherche, quelqu'un peut dire, ben, moi je pense que c'est... Bon. Si la question c'est dans quelle mesure ce phénomène est vrai ou faux, c'est plutôt du quantitatif parce que ben, la façon de poser la question le dit. Mais pour certaines questions, ça peut être pertinent de faire du mixte ou de faire seulement du qualitatif ou de faire seulement du... Donc l'important c'est de justifier la façon dont pour vous il est pertinent de procéder. C'est que basé sur les méthodes en fait, toute la partie problématisation, etc. Alors comme je disais au départ, c'est quand même important que vous connaissiez la démarche de recherche. C'est-à-dire que vous soyez capable de dire, par exemple, que dans tel extrait d'article de recherche qu'on vous montre, ça c'est le cas théorique, ça c'est la problématique, ça c'est les hypothèses, les intuitions. D'accord ? Faut que vous connaissiez la généalogie, en fait, d'un projet de recherche. Et que s'il n'y a pas la pertinence scientifique ou sociale dans une problématique, par exemple, ben, vous êtes capable de dire qu'il manque un élément. Donc c'est ces grandes étapes-là de la recherche, c'est important que vous sachiez les définir, dire ce qu'ils doivent contenir, et après ça, que vous sachiez donc plus précisément sur le plan des méthodes, quel type de méthode utiliser en fonction des questions posées. D'accord ? Comme je disais, c'est que l'examen va porter sur des cas qu'on vous soumet. Donc vous n'avez pas inventé une problématique, un cas théorique, etc. de rien. C'est-à-dire que par exemple, on vous donne une problématique qui est écrite avec une question de recherche à la fin, et on vous dit à partir de cette problématique et de cette question de recherche, quel type de méthode pensez-vous être la plus adéquate et pourquoi. D'accord ? Ou on vous dit, je ne sais pas, voilà, il y a un cas théorique qui est là, et une méthodologie, d'après vous, quelle question de recherche pourrait correspondre à la méthodologie et au cas théorique mobilisé. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut que vous ayez fait pour arriver à ces réponses-là, c'est d'un minimum connaître la mécanique en fait à suivre. D'accord ? Mais c'est plus de comprendre la logique que de savoir définir par cœur ce que c'est. Et donc, c'est sûr qu'il faut se familiariser avec ces notions-là. Mais de toute façon, normalement, vous avez eu le TPM, vous avez eu le rapport du parcours, plus le projet à déposer. Ça fait plusieurs fois que vous avez les mêmes mots un peu qui reviennent et qui, normalement, devraient être un peu plus clairs maintenant que. Est-ce qu'on va aussi devoir formuler des hypothèses, des questions de recherche alors ? Ça se peut, effectivement, que dans les questions, il y ait la présentation d'une problématique. Et qu'on vous dise, à partir de cette problématique-là, quelle serait, donc, qui comporte suffisamment d'éléments aussi pour que vous puissiez formuler des questions et des hypothèses, des intuitions, vous pouvez, en fait, effectivement, vous poser ce genre de questions. En fait, donc, ce sont des questions qui sont de interpréter à partir de morceaux de recherche quels sont les bouts manquants, en fait. D'accord ? Mais comme le soulignait votre collègue, il n'y a pas forcément qu'une seule bonne réponse. Ce qui est important aussi, c'est de justifier pourquoi vous jugez que c'est une réponse pertinente. Donc, c'est pas, c'est pas trouver la question avec le mot tout à fait précis. Il y a des questions qui s'approchent de la même idée qui peuvent être tournées différemment. Oui. Non, parce que sur le cas théorique, vous ne pouvez pas, sauf si vous avez tous ces ordinateurs. De faire une recherche en 2 heures, ce sera un petit peu cruel et pas très réaliste. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez en fait qui n'ont pas encore été posées? Les études qui existent un petit peu déjà, pertinent de s'intéresser à ça parce que ça va contribuer à blablabla, blablabla, blablabla. Et on vous dit, soit la problématique elle peut se conclure par une question de recherche, donc vous vous dire à partir de cette question de recherche, de cette problématique, quelles seraient les hypothèses que vous pourriez formuler et quelle serait la méthode pertinente. Ou on peut vous dire, avec le même exemple, ben, la problématique elle s'arrête avant la question de recherche. Mais vu tout ce qui a été dit, quelle serait la question de recherche que vous poseriez pour conclure cette problématique? Donc il peut y en avoir plusieurs, vous pouvez choisir plusieurs angles, mais dans le texte, vous aurez déjà les préoccupations en fait, centrales. Et la façon dont vous formulez la question, ben, ça va être plutôt dans quelque chose de quantitatif en disant par exemple dans quelle mesure ce phénomène existe-t-il, ou plutôt de dire quelles sont les caractéristiques de la communauté. Et alors, ça veut dire que selon la question que vous posez, vous êtes plutôt dans le quantitatif ou dans le qualitatif, etc. Et que si on vous pose en deuxième question, avec la question de recherche que vous venez de poser, quelle serait la méthode que vous adopteriez et pourquoi, là, vous pouvez dire, ben, comme ma question de recherche que j'ai proposée, elle est plutôt quantitative ou qualitative, alors je ferai plutôt un questionnaire ou plutôt des entretiens de recherche avec des joueurs ou un sondage en ligne, etc. D'accord ? Mais, donc, on peut vous proposer des bouts différents de morceaux de recherche pour, en fait, vous poser... Et la question sera explicite dans le sens où, si on veut vous donner des hypothèses, on va vous dire, ben, formuler des hypothèses. Ce n'est pas à vous de dire, ben, voilà, on va, la question va pas être formuler un projet de recherche à partir de ces deux lignes. C'est pas l'esprit. Sinon, je peux répondre à la question bonus. Sur les corrections au départ de mes parcours, en fait, les notes seront en ligne d'ici deux semaines environ. Donc, avant que vous ayez, avant que vous passiez l'examen. Alors, pour le cours d'enjeux numériques, comme on n'est pas dans le cours, je ne réponds pas aux questions sur les autres cours. Sauf quand le cours 10 s'arrête. Pour la deuxième session, vous voulez dire oui, parce que oui, comme il compte pour 35%, on a décidé de le conserver, parce que c'est un pourcentage fort. Donc, oui. Et de la même façon, ceux qui rateraient le rapport de mi-parcours peuvent le reprendre en deuxième session. D'accord. Puisque on avait mis un pourcentage aussi important sur ce. Si vous avez été présent aux séances d'exercice qui étaient en présence obligatoire, vous avez des points de présence. C'était vraiment 15% qui portait sur assister à ces présences-là. Y compris pour ceux qui ont justifié aussi pour des raisons médicales. Est-ce qu'il y a d'autres questions de contenu sur le cours en tant que tel, tant qu'on est là, ou est-ce que tout est clair et vous avez juste hâte de passer l'examen et de passer à autre chose aussi en fait? Oui. Ça dépend peut-être de la façon dont le texte est conçu. Si vous avez une problématique dans laquelle l'auteur insiste beaucoup sur ce phénomène est clairement mesurable parce que ce type de réalité correspond à des hypothèses, etc. Donc si vous trouvez que c'est un élément qui ressort, ça ne peut pas nuire si vous ajoutez ce détail-là en plus. Mais si c'est quelque chose qui ne ressort pas du texte, ce n'est pas une obligation, parce que ce n'est pas, c'est pas nécessairement la caractéristique première de l'analyse de contenu, c'est plutôt de dire ben, voilà, c'est quantitatif, ça vise à vérifier des hypothèses, à mesurer avec des catégories, des variables, etc. Mais soyez, en fait, comme je disais, c'est vraiment votre la façon dont vous allez justifier vos choix qui va être importante, et c'est la façon dont vous argumentez, c'est aussi en fait dans la façon dont vont évaluer vos mémoires en fin de parcours de master que vous serez évalué. C'est cette capacité à argumenter, à expliciter vos choix. Donc c'est dans ce sens-là aussi que les analyses de cas sont très importantes. Cette excellente révision de l'ouvrage, et on se revoit à l'examen.